Déjà, j'avais chanté un rock and roll pour toi. It's so long, j'avais 15 ans, je crois. Tu le dansais toujours du bout des doigts. Cette chanson, tu l'as passée 100 fois. It's so long, avec 20 francs, je crois. Dans les jukebox, on n'entendait que ça. Qui s'appelle Bibapalula.